bruit de verre sur le parterre qui annonce un jour de mort. Celui qui me clôture ne saute pas, je vis encore, je vis encore. Je vis encore. Reste alors comme entière mes visions vues du devant. Mes espoirs se resserrent, là où coule ton corps, vu du devant. Je n'ai d'autre prière que celle de pouvoir encore vivre d'ombre et de poussière, me baigner en un autre corps, vivre encore. Sur le parterre qui annonce un jour de mort, futur de roi.